Le but de cette mini-méditation est de faire un pas en arrière par rapport aux pensées et aux émotions qui t'agitent pour te calmer et te remettre dans l'ici et maintenant. Ferme les yeux et ferme la bouche afin de ne respirer que par le nez, et donc plus lentement. Deviens complètement immobile. La seule chose qui bouge en toi est l'air qui entre et sort de ton corps. Ici et maintenant, tu n'as rien d'autre à faire qu'observer ta respiration. Elle se passe sans que tu n'aies à faire quoi que ce soit. Remarque comme l'air qui entre est plus frais que l'air qui ressort de tes narines. Si tu es pris par des pensées, c'est tout à fait normal. Quand tu t'en rends compte, laisse-les filer en ramenant ton attention à la sensation de l'air qui touche tes narines. Sans forcer, tâche de ralentir ta respiration, de telle sorte qu'elle devienne comme un tout petit filet d'air qui vient te caresser à l'intérieur en rentrant et sortant de ton corps. Progressivement, le filet d'air devient de plus en plus mince, ta respiration de plus en plus lente. Sans te juger, essaye d'examiner ton humeur de plus près, comme si tu inspectais tes émotions de l'extérieur. Tout en restant concentré sur ta respiration, on va maintenant se concentrer sur trois principes anti-stress. Je ne peux ni changer le passé, ni prédire le futur. Je peux simplement faire de mon mieux ici et maintenant. Je fais confiance à la vie et je suis reconnaissant de tout ce que j'ai et que j'ai tendance à prendre pour acquis. J'accepte de ne pas tout savoir et je prends la vie moment par moment. L'enregistrement va bientôt terminer, mais tu peux continuer encore quelques instants par toi-même, en te concentrant sur ta respiration, le temps de sentir que l'agitation s'est calmée. J'espère que cette mini-méditation t'a été apaisante. À bientôt.